Tu es le troisième mec qu'elle envoie à l'hôpital. Pendant que tu y es, elle te parle de ses relations sexuelles avec le suivant. Et non, messieurs, dames, la perversion narcissique n'existe pas que chez les hommes. Perverse narcissique, c'est quand elle t'a dit qu'elle voulait se marier. Perverse narcissique, c'est quand finalement elle préfère te quitter. Perverse narcissique, c'est quand tu passes du futur papa. Perverse narcissique, au rôle du sale type qui ne la mérite pas. Comme un clébard attaché sur le grillage d'un parc abandonné, tu penses encore au futur bébé, mais c'est ta haine qu'elle est en train d'engrosser. Elle t'a fait entrer dans son univers et par là même t'a fait détester le tien. Maintenant t'es perdu, coincé en enfer. Il faut survivre sans elle, sans appart et sans rien. Narcissique, c'est quand t'as cru qu'elle t'aimerait à tout jamais. Perverse narcissique, mais que tu retournes dans ton 26 mètres carrés. Perverse narcissique, c'est quand elle dit qu'elle veut un enfant de toi. Perverse narcissique, de toi ou peut-être bien de Jean-Michel Leroy. Pendant qu'elle se pâme, sans une once de pitié pour ta souffrance. T'es à l'hosto et elle sur Instagram. Tu prends des médocs et elle prend des vacances. Il ne te reste plus que l'alcool pour te couper de l'image et du son. Oublier que t'as fait confiance à une folle et que tu t'es fait encore prendre pour un con. En toi, perverse narcissique, qu'elle t'a laissé tes nuits blanches pour supporter ça. Perverse narcissique, quand t'es en réparation à perpétuité. Perverse narcissique, quand elle te dit qu'elle est plus sûre de t'avoir aimé. Quand elle a tiré un trait sur ta vie, mais qu'elle veut encore parler à toi. Tes amis, elle les embrasse, elle se prend en photo, elle te balance ça sur les réseaux sociaux. Elle te dit toxique manipulateur, alors que t'es détruit et qu'elle vit ses plus belles heures. Tu as fait mourir l'enfant que je suis, tu peux désormais dire adieu à Anthony. Mais tu sais, petite, il me reste ma guitare, et tu ne pourras jamais tuer Tony Fonblard. Tu sais, petite, il me reste ma guitare, et tu ne pourras jamais tuer Tony Fonblard. Tu sais, petite, il me reste ma guitare, et tu ne pourras jamais tuer Tony Fonblard. Et tu ne pourras jamais tuer Tony.